Salut, c'est Yann. Vous êtes sur le point d'écouter le podcast Garage Wanderlust. Dans cet épisode, je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai traversé de l'autre côté du rideau de fer. Voici ce que j'ai vécu en Russie. Comment se mettre plus d'albins d'un récit russe que l'hymne national russe avec tout son côté grandiose, son côté solennel? Ben oui, ça va introduire mon podcast sur la Russie. J'avais pas le choix d'aller en Russie parce que plusieurs pays que je veux absolument aller voir sont accessibles par la Russie. Donc c'est, pour moi, c'était comme à première vue un pays que j'avais pas le choix de mettre les pieds dedans, pas particulièrement qui m'attirait, quoique il y a un côté un peu, comment je pourrais dire, attirant, de voir vraiment l'autre côté de ce qui était autrefois le rideau de fer, de voir comment que les gens maintenant se sont adaptés après la disparition du communisme. Ça, maintenant qu'ils sont au centre de leurs décisions, je suis pas sûr, parce que juste l'hymne national russe, il l'avait changé après 91, après la chute du communisme, et Poutine, lui, l'a ramené. Je crois qu'ils ont changé quelques paroles, mais je parle zéro russe, donc je pense qu'on a les paroles, mais Poutine voulait ramener ce côté solennel-là, et on le ressent encore, surtout à Moscou. Mais avant de me rendre à Moscou, il a fallu que j'aie mon visa. Et c'est là que je me suis aperçu que ouais, la Russie, c'est pas un pays comme nous autres. Juste l'obtention des visas, ça nous a pris 6 mois. Ça commence, c'est un processus assez complexe, il commence avec une lettre d'invitation. Pour avoir une lettre d'invitation, ça prend une compagnie qui va faire une recherche sur toi. Donc, tu dois leur dire quand est-ce que tu vas rentrer, où est-ce que tu vas coucher, tu dois donner la preuve de ta première nuit, où est-ce que tu vas la passer. Et ensuite de ça, où est-ce que tu vas sortir, blablabla. Je dis sortir parce que nous, on avait besoin d'un visa 30 jours, 2 entrées. Comme je disais, on allait rentrer en Russie, aller visiter les pays de la Pamir Highway, revenir en Russie pour après ressortir vers la Géorgie. C'était notre plan initial. Donc, on attend pour nos visas. Ça commence, la compagnie nous donne les papiers qu'on a besoin. On doit envoyer ces papiers-là à l'ambassade russe. L'ambassade russe fait aussi son enquête dedans, une fois qu'ils savent tout où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on fait, et blablabla. C'est l'enquête sur nous autres. Donc, on doit remplir un document qui demande jusqu'à tous les pays qu'on a visités pendant les 30 dernières années, notre date d'entrée et notre date de sortie. Quel travail! Une chance que les photos ont des dates dessus parce qu'on n'aurait jamais réussi à faire ça. On a été obligé d'arrêter à 30 pays, ils acceptaient seulement 30 pays. Mais, tout ça pour dire, après ça, ils acceptent, tu dois leur envoyer ton passeport et t'envoyer ton visa, mais là, tu sens que déjà, avant d'arriver en Russie, tu sens que ça va être très strict, mais tu n'auras pas de passe-droit. Parenthèse, si vous avez des questions pour des choses précises comme les papiers, juste à l'écrire sur ma page Facebook Garage Wanderlust. Puis quand je vais faire des podcasts de questions-réponses, c'est là que je vais le faire. Je ferme la parenthèse, puis je continue. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte rapidement aussi aux douanes. Nous autres, on est arrivés en Russie par la Lettonie. Nos motos sont entreposées en Allemagne, donc lorsqu'on voyage en Europe, notre point de départ est toujours l'Allemagne. Et pour ce voyage-là, comme on n'avait pas mis le temps nécessaire pour avoir nos visas biélorusses, on est monté jusqu'en Lettonie pour couper à Moscou, qui est à peu près à la même hauteur que la Lettonie. Donc, en arrivant par la Lettonie, on s'est arrangé pour arriver assez tôt le matin aux douanes. Au moins 2 heures avant l'ouverture des douanes. On croyait qu'on était tôt, on était les quatrièmes. Moi et Marie, on était quatrièmes. Mais quand ça a parti, on voit que ça allait être long. Donc, 6 heures d'avant. 6 heures passées aux douanes. On était juste quatrièmes. Au moins, durant cette attente-là, il est arrivé un Polonais, en moto, lui ici, qui était juste derrière nous. Donc, hyper facile d'avoir une discussion avec. C'est un Polonais, mais il parlait quand même bien anglais. Donc, on a tout de suite là, eu bien des informations. Ben, on peut parler tant que ça avec, mais on sent que c'est sévère. Tu sais, si tu penses qu'on a le droit d'aller aux toilettes, et quand on va aux toilettes, on est suivi. La personne russe nous suit. Et les voitures qui passent avant nous sont complètement vidées. Mais quand on dit vidées, même, il y en a une qui est complètement démontée. Les ailes sont enlevées. Ils fouillent tout, tout, tout. Nous, ça va un peu plus vite parce qu'on est en moto. Mais somme toute, un processus de 6 heures de temps. Un processus de 6 heures pris. On est en milieu d'après-midi. Donc, un peu plus... Et la météo est vraiment pas de notre côté. Il pleut. Il fait froid. Donc, on doit... obligatoirement se rendre à Moscou. Pourquoi? Ben, comme j'ai dit, notre hôtel, notre première réservation est là. Une fois à l'hôtel, ils doivent nous enregistrer comme quoi on est bel et bien entre au pays, qu'on était à l'endroit qu'on est enregistré, puis blablabla, bla, bla, toute la papasserie que ces pays-là comprennent. Ils veulent tout contrôler. On roule, et nous, on roule pas vraiment rapidement. On s'aperçoit vite qu'il n'y a pas vraiment de limite de vitesse sur les routes. Les routes sont pas larges. Ouais. Faire une comparaison, on pensait un peu à la 132 par ici, à peu près cette largeur-là. Donc, puis il n'y a pas d'autoroute, donc juste cette route-là. Quand il pleuvait, c'était torrentiel, c'était très froid. On roule pas vite, le Polonais nous dépasse, on voit plus tard qu'il est arrêté en train de mettre de l'essence ou de se réchauffer. Mais lui, qui avait une moto plus sport que la nôtre, il avait un CB919 avec pas beaucoup de protection au vent, donc il nous dépassait. Parenthèse. Pour ceux qui connaissent un peu moins les motos, un Honda CB919, c'est une petite moto avec un gros moteur sport, mais qui n'a aucune protection au vent. Un petit réservoir, donc arrêt fréquent. Petite protection au vent, arrêt fréquent, c'est ce que le Polonais fait. Parenthèse fermée, je continue. On roulait vite, s'arrêtait, on le dépassait. Des fois, on arrivait en même temps que lui et une chance qu'on l'avait parce que juste mettre de l'essence en Russie, c'est une expérience en soi. On peut pas arriver et mettre de l'essence payé après, non. Faut dire combien de litres qu'on va mettre et payer d'avance. Et faut tout dire ça en russe. Déjà, juste trouver l'endroit où payer, c'était un gros job. Fait que lui nous a quand même aidé là-dedans. Nos premiers essais russes, il était là avec nous autres. Donc, ça a bien été pour ça. Mais la route se fait et la température s'en vient de plus en plus merdique. Puis capable de rouler à vitesse normale, il mouille trop. C'est froid, c'est vraiment exécrable comme température. Ce qui fait, on arrête souvent. Question de remettre nos GPS à jour, s'approcher, aller directement à Moscou, dans l'hôtel où on était. Moscou, c'est quand même une ville de 12 millions. C'est ça, 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants... ça fait du trafic. Puis la conduite russe, c'est pas la nôtre. On sortait d'une conduite allemande qui était quand même très stricte. On s'est approché tranquillement jusqu'à temps qu'on découvre celle russe qui est différente de la nôtre. Différente. Mais jusqu'à là, on s'en est pas trop rendu compte. C'est quand même des autoroutes très larges. Entrer en ville, c'est 4, 5, 6, 7 voies de large. Et dans le trafic, bien sûr, sans trop de difficultés, par exemple, à trouver notre hôtel, on rentre. Première impression de l'hôtel, OK, on est ailleurs. Pas fallu chercher longtemps. Non seulement les paperasses nous montraient qu'on était ailleurs, c'est s'enregistrer, sortir notre passeport, faire des photocopies, des choses de même pour que nous enregistrer au niveau du gouvernement. Ça dépayse, mais l'opulence des lieux, tout est en des chaises en courbe avec des tissus verts vieillots, beaucoup de velours rouge. Des plafonds hauts, des portraits de personnes sur le mur, pas des paysages, des personnes en habits militaires sur les murs. Et le mur est tombé en 91. On sent qu'il y a encore ce côté-là. On sent que c'est encore présent, cet amour de la patrie. Et dans notre chambre, on va être obligé de rester là probablement quelques jours, mais au moins notre chambre est immense. On se créerait princesse Sissi. Tout est là. Tout est grand et beaucoup d'espace. Et on n'est pas loin du métro qui nous permet d'avoir accès à Moscou au grand complet. Ce qu'on décide, bien sûr, d'aller visiter le Kremlin. Et toute une aventure en soi, le Kremlin. C'est une fois rendu au Kremlin que j'ai compris un peu comment fonctionnait la Russie. La partie est de la Russie, la partie qui est plus collée sur l'Europe, a pris beaucoup de... a les richesses. Je veux dire a pris parce que je vois pas d'autres qui vont les prendre qu'en Russie. Tout était clos dans le temps de l'URSS. On a pris beaucoup de richesses. Et Moscou, c'est l'opulence même. Le Kremlin, c'est assez incroyable. tout est extrêmement propre, mais sévère. Leur architecture est carrée. Par contre, il y a beaucoup d'architecture au sein du Kremlin même, des photos qu'on voit avec des toits en courbe, en espèce, on dirait, Aladdin, ce qui nous rappelle ces formes-là. Il y en a beaucoup, mais ça reste dans une atmosphère quand même très sévère. Et aussitôt qu'on sort du Kremlin, les buildings sont carrés, rectangles. La seule chose qui est différenciée l'une de l'autre, c'est la hauteur. Mais tout ça ensemble fait l'ambiance russe, qui est... Le seul terme que j'ai trouvé, c'est sévère. Oui, je suis à Moscou. Je m'attends pas à ce que les gens me disent bonjour en me voyant comme on fait en campagne. Mais de là, tout est... Les gens sont plus solitaires encore. Un faciès sévère. Alors, nous, on a pris le métro pour se rendre au Kremlin. Juste l'ambiance du métro. Et le monde se salue pas. Le monde... Ils ont déjà commencé à pratiquer la distanciation sociale. Ils l'ont compris avant même que ça nous soit imposé. Et c'est ça, cette ambiance-là de Moscou, c'est sûr que Kremlin, là, ce côté très militaire, très communiste, est encore très présent. Et j'ai assisté à une parade au sein même du Kremlin avec des militaires, et la parade est aux mêmes heures, de la même façon. C'est l'événement de la journée. C'est plein de gens de Moscou sont là pour voir la parade. On sent cet amour de la patrie. J'ai jamais senti un amour comme ça. C'est pas... Tout le monde est dans le même sens. La mère patrie, tout y est. Vive la Russie. Donc, cette ambiance, on baigne dans cette ambiance-là. J'ai pas beaucoup de choses à raconter Moscou. Ce qu'on a fait, c'est bien sûr attendre un peu qu'il arrête de pleuvoir, mais quitter assez vite, parce que mon délai, comme j'ai expliqué, de 30 jours était compté. Chaque journée que je prenais de plus à Moscou, c'était une journée que je perdais dans la section de la Pamir, que je ne savais pas qu'est-ce qui pouvait arriver. Donc, je dois me garder le plus de jours possible en banque. Sur cette section-là, je l'ai roulée quand même assez vite. J'ai quand même passé la Russie assez rapidement. Parenthèse. Quand j'utilise le « je » dans mon voyage en Russie, je devrais utiliser le « nous ». Parenthèse fermée. Je continue. Par contre, c'est pas la durée d'un voyage qui fait son intensité. Dès que j'ai sorti de Moscou, je suis rentré dans un autre monde. Comme je disais tout à l'heure, le côté Est a pris les richesses. Fait que le triangle formé par Volgograd, Moscou et Saint-Pétersbourg est très... C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a vu. Mais aussitôt qu'on sort de Moscou, qu'on rentre à l'Est de cette ceinture-là, c'est complètement un autre monde. Parenthèse. Ce serait un autre beau moment, ça, pour parler d'un sponsor. Parenthèse fermée, je continue. La météo nous a obligés à passer quelques jours à Moscou, hein, quand même visiter, le temps de s'imprégner de cette ambiance russe, de comprendre un peu comment ça fonctionnait, trouver quelques symboles clés, des façons de se faire comprendre. Et aussitôt que la fenêtre de beau temps s'est présenté, du beau temps entre parenthèses, permettait de rouler, s'est présenté, on quittait Moscou. Malgré qu'on avait passé quelques jours là, on n'était pas prêt à ce qu'on allait vivre. Chaque pays a sa culture de conduite. Il y en a que c'est un peu loufoque, il y en a que c'est carrément n'importe quoi. Les Russes, il y a la deuxième catégorie. J'ai essayé de comprendre. Dans la première section que j'avais fait, le code de la route, je ne le comprenais pas. Même encore aujourd'hui, je ne le comprends pas encore. Il n'y en a pas vraiment. Je sais que sur une ligne pointillée, tu as le droit de dépasser, mais c'est pas grave, c'est une voiture qui s'en vient. Je sais que c'est une ligne double, tu n'as pas le droit de dépasser. Je me suis fait arrêter au Kazakhstan, qui ont exactement le même code de conduite, parce que j'avais dépassé une ligne double. Ça, c'est une autre histoire. Mais je sais qu'on n'a pas le droit de dépasser une ligne double. Limite de vitesse... Des fois, on pense qu'il y en a une, mais des fois, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas du tout. C'est n'importe quoi. C'est vraiment... L'autre chose qui est dangereuse, c'est que sur le bord des routes, c'est pas large, je dis route, c'est un peu comme la route dans le parc de la Vérendrye. Quand on est proche des villages, un peu avant, il y a beaucoup de kiosques. Les gens s'ouvrent des kiosques pour vendre à peu près n'importe quoi. Il y a des modes. C'est quand même assez drôle. M'amener la mode, c'est vendre des bouées. M'amener la mode, c'est vendre du pop-corn. Et tu pognes deux, trois kiosques qui vendent exactement la même chose. Mais il y a quelque chose qui est constant, c'est tout ce que tu as besoin pour faire de la lambée. C'est constant sur le bord du chemin. Tu es capable d'acheter toutes les grosseurs que tu voudrais pour préparer ta propre lambée. Mais, sur le bord du chemin, tu as ces commerçants-là. Sur le chemin qui est quand même pas large, tu n'as presque pas de voie de dépassement. Il n'y a jamais de voie de dépassement. Il y a juste des lignes pointillées. Il y a plein de camions qui passent là. Toutes les routes passent dans les villages. Il y a des accidents, t'en vois beaucoup, puis les voitures sont pas en état. C'est, tout est en panne partout. C'est une expérience en soi, qu'on se voit là-bas. Mais on a quand même réussi à passer à travers. C'est plus long qu'on pensait. Les distances sont immenses. La Russie, c'est grand. Et la vitesse à laquelle on est obligé de rouler dans ces conditions-là, même si on pense que ça va vite, c'est vraiment lent. Donc, on prend quand même quelques temps. Tout ça, ça nous prend deux jours pour se rendre à une place qui s'appelle Ufa, qui est quand même une grosse ville, qu'on décide de se prendre un endroit pour coucher confortablement. On a toujours couché confortablement en Russie. Ouais, c'est pas cher là-bas. On a quand même trouvé des endroits le fun. Mais là, on arrivait en périphérie de la ville. C'est quand même propre ce qu'on avait trouvé. Le lendemain matin, la moto à Marie, elle voulait plus partir. Il n'y avait plus de courant qui se passait. On est quand même des lèvres tôt, j'aime ça partir de tôt. Et aussi, on avait passé quelques jours de plus à Moscou. La fenêtre qu'on avait pour voyager, réussi notre 30 jours, elle n'était pas grande. Mais... Et là, sa moto part pas. C'est qu'un peu cherche, pas de courant du tout. Les Russes, par exemple, comme tous les peuples que j'ai été, aussitôt que tu as un problème, ils sont là pour t'aider. Aussitôt que j'ai commencé à travailler dans la moto, il y en a qui sont apparus un peu partout, essayer de se comprendre, essayer de m'aider de n'importe quelle façon que ce soit. Finalement, comprendre que juste derrière l'endroit où la moto était stationnée, il y a un endroit spécialisé en électronique de véhicules. Donc, cet endroit-là, ça tombe bien le tonnerre. Je ne sais pas si on l'a entendu dans l'enregistrement, mais là, présentement, il tonne exactement la même ambiance que quand on était en Russie. Mais l'ambiance à Ufa, c'était pas ça le matin. Il pleuvait pas, mais c'était très nuageux. Pour dire, le magasin d'électronique derrière. Et, par contre, il était tôt, il ouvrait à 10h, ce qui m'a permis de parler à un peu de gens, d'attendre. Mais c'est une attente interminable. Quelques heures d'attente jusqu'à ce que le magasin ouvre, mais là, le bonheur total. Les propriétaires, c'est des jeunes hyper sympathiques. En 45 minutes, avait trouvé le problème de la moto et ils n'ont rien voulu recevoir en argent. Ils m'ont expliqué que dans leur façon de faire, quand c'est eux qui offrent un service, ils n'ont pas à te charger. Si toi, tu le demandes, ils vont le charger. Mais s'ils t'offrent un service, ils ne te le chargent pas. Parenthèse. Oui, c'est vraiment un gros orage. Parenthèse fermée. Je continue. Chaleur, la personnalité distante, mais eux, dans cette personnalité-là, ont quand même créé des liens avec eux autres, c'était le fun. Passé le reste de l'après-midi, le soir, ils nous ont invités à aller souper chez eux. On est allé un peu de reculons, on était fatigués, ça ne nous tentait pas, on avait quand même hâte de sortir. Mais on ne peut pas passer à côté de l'occasion de leur dire merci d'avoir réparé la moto et aussi de connaître un souper russe, la vraie culture russe. Ils viennent nous chercher, on part, on se rend à leur domicile. Complètement un autre monde. Là, je rentre dans un petit quartier. Les maisons sont très collées, quand même assez vieux. Et première chose, je m'aperçois des saunas. Chaque maison est annexée d'un sauna. Quand ils m'ont invité au début de souper, la première chose qu'il m'a demandé, c'est si je voulais aller prendre un sauna. Puis après, j'ai dit non, donc il m'a dit on peut souper. C'est là que j'ai dit oui. Mais j'ai vu que le sauna, pour eux, c'est dans leur culture. Moi, dans la mienne, c'est une piscine en arrière de la maison. Quand il fait 30 degrés, je vais inviter des gens, viens-tu te baigner? Eux, il fait plus froid. Leur culture, viens-tu prendre un sauna? C'était très gentil. Donc, arrivé là, on était absorbés par l'ambiance russe. La famille est venue nous voir. Le père nous a joué de l'accordéon. Et on a commencé tout de suite l'apprentissage numéro 2. L'apprentissage 1, c'est la conduite. Apprentissage 2, c'est prendre de la boisson avec des Russes. C'est pas un mythe. Première chose qu'ils nous ont servi, c'est un litre de bière. Pendant qu'on parlait, qu'on essayait de se comprendre, qu'on riait avec nous, on avait un peu de gens qui sont venus nous rendre visite. Ça riait un petit peu partout jusqu'à ce qu'on se présente pour aller souper dans la maison. Le litre de bière plus tard. Simplement, la gang du garage et sa femme. Et ils mettent la table. Plein de choses sur la table. Poulet, un peu rôti, un peu de panure dessus, un peu de pain, du pain, c'est toujours, toujours du pain. Et plein de choses, des petites trempettes, des choses. Et un pot avec une espèce de... À l'intérieur, des boules, la grosseur d'une petite pêche. Finit par comprendre que c'est des raisins. C'est un breuvage qu'eux autres font. Ils font comme macérer des raisins, ils sucent ça, ainsi de suite. Et ils me font comprendre que c'est pour mieux faire passer la vodka. Donc, quand tu prends de la vodka, c'est ça qu'il faut boire. Parenthèse. S'il y en a qui ne savaient pas que je prenais de la boisson, ben, je suis démasqué. Je ferme la parenthèse, puis je continue. Quand se préparer, je comprends vite que la vodka, c'est dans leur culture. Je me demandais comment ça que le monde buvait beaucoup de vodka. Et j'ai compris, à force d'être là-bas aussi à lire, que dans le temps du communisme, les gens travaillaient à la chaîne avec aucune chance d'avancement. Donc, quand tu es toujours en train de travailler à la chaîne, tu n'as aucune chance de tomber de patron et ainsi de suite, ça devient assez monotone. Et pour y remédier, ils ont permis de boire en travaillant. Fait que pour un Russe, boire, c'est dans sa culture. Boire de la vodka, boire de la vodka. J'avais cru comprendre qu'il y en avait beaucoup, mais comme ça, non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aussitôt que le souper est servi, ils nous servent à tout le monde un shooter de vodka. Il y a une personne qui n'en prend pas. Probablement la nouvelle génération, faut croire, mais une personne qui n'en prend pas, c'est elle qui est la responsable de la vodka. Commencer avec un shooter de vodka, mais le shooter, dès que le verre retourne sur la table, il resserre encore une fois de la vodka à tout le monde. Là, la règle est simple. Aussitôt que quelqu'un touche à son verre, ou que quelqu'un mentionne vodka, ou que quelqu'un prend une gorgée de vodka, t'es obligé de caler le shooter. Et ainsi va la soirée, sans s'imaginer à quelle vitesse entrent les shooters de vodka. Dans les rires, ainsi de suite, je joue de la guitare, on a du plaisir. J'ai vu une autre facette que lorsque c'était le temps de faire la fête, assez difficile à battre comme ambiance de fête. J'avais vu Ovechkin avec la Coupe Stanley, je me disais, hey, méchant gars de party. Non, elles sont vraiment comme ça. Ça ne tient pas debout. C'était incroyable comme party. Ils nous ont quand même, la personne qui était responsable de la vodka ne boit pas, nous rapporte à l'endroit où on couchait pour être prêt à repartir le lendemain. Et se rendre rapidement au Kazakhstan. On était quand même assez près du Kazakhstan. Encore notre formule, le centre de notre voyage, et pour était la Pamir Highway pour revenir par la suite en la Russie. On avait quelques temps, moins d'une journée, pour se rendre à la frontière du Kazakhstan et préparer les papiers pour cet autre pays-là. Parenthèse. Ouais, je sais que ça doit être dur à suivre comme ça, là, mais je vais essayer de me rattraper. Parenthèse fermée. Je continue. Mais mon aventure avec la Russie s'est pas terminée avec l'entrée au Kazakhstan. On avait prévu d'en rentrer une seconde fois en Russie, d'où notre visa 30 jours, d'où l'entrée. On voulait pas prendre la traverse. Puis traverser la mer Caspienne pour se rendre en Azerbaïdjan. Semblait un peu trop compliqué. On avait quand même l'option, mais il nous restait tout de même 3 jours à notre visa, donc on avait le temps de contourner la mer Caspienne et de pouvoir sortir. La Russie est immense. On avait connu une partie de la Russie. On a visité l'ex-URSS. C'est sûr que lorsque la Russie est tombée, les pays qui avaient des cultures très différentes se sont rapidement séparés. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des endroits où la culture diffère. Cet endroit-là, le nord de la mer Caspienne, on a senti dès notre entrée que c'était pas pareil comme le nord, que c'était pas comme Moscou, que c'était pas comme Oufa. L'ambiance était différente. Il y avait beaucoup plus de musulmans. Ben, on sortait des milieux musulmans, c'est sûr, on avait fait l'Ouzbékistan juste avant, donc on était habitués. Et par contre, en voir autant que ça en Russie, on n'avait pas vu avant. Et ensuite de ça, on a senti que c'était beaucoup plus tendu. Il m'a de soi que je m'y attendais à ce que cette région-là du monde soit un peu... J'avais hâte de voir un peu comment que les gens vivaient, parce que dans toute l'histoire, il y a toujours eu des conflits dans ces coins-là. Même la Géorgie, on a l'impression qu'il est toujours au centre de ça. Et c'est pas la Géorgie qui est au conflit, c'est la mer Caspienne, la mer Noire, l'accès. Donc, ça brasse. On sentait un peu cette tension-là. Mais on l'a vraiment ressenti dans notre premier soir dans cette partie-là. On est entré, les douanes ont bien été, ça a passé vite. Comme c'était notre seconde entrée, les formalités étaient simples. Trouver l'hôtel a été un peu plus difficile. La première, ça n'avait pas fonctionné. Ils acceptaient simplement les paiements avec le téléphone. Mais ils n'acceptaient pas les cartes de crédit, ils n'acceptaient pas les cartes de débit et j'avais pas d'argent sur moi. J'ai trouvé un deuxième hôtel, celui-là, ça a fonctionné. Et est arrivé cette soir-là une expérience mémorable. C'est certain que je vais m'en rappeler toute ma vie. On est allé chercher à souper. Mon mari, on a mangé dans la chambre. Donc, souper facile, donc assis confortablement. Avant de prendre la douche, on ouvre la TV. C'était quand même assez tard. Ça cogne à la porte. Je vais ouvrir. C'est deux personnes de l'armée qui sont là. Un avec une mitraillette qui tient fermement à deux mains, le doigt sur la gâchette, l'autre en avant qui parle, par son, juste le ton, on voit qu'il est en colère, très strict, très ferme. Moi, je sais pas comment réagir, j'ai aucune idée quoi faire, j'ai même pas besoin de me tourner, je sens que Marie est figée derrière moi. J'ai un peu perdu le fil de l'événement, je sais que je suis à l'extérieur, il n'y a pas eu de contact physique, rien, mais on est à l'extérieur de la chambre. Je comprends qu'ils veulent nos papiers, parce que tout ça se passe dans une langue complètement inconnue. Je sais que ça doit être dur à s'imaginer comme ça, mais si je dis que tout ce processus-là va durer à peu près 2-3 minutes, je pense que ça éclaircit les choses. Puis ah oui, j'ai pas dit parenthèse. Parce que je suis tanné de dire parenthèse, fait que je le dirai plus. Mais je continue. Comme nos papiers, on sort les papiers et du moment qu'ils ont nos visas dans les mains, qu'ils voient Canada, c'est là qu'on voit que la tension change. C'est comme si l'ambiance avait changé. J'étais sur mes gardes et ça a fait ouh, j'ai vu même le milicien qui avait toujours gardé sa mitraillette, l'a mis sur le côté. Il a pris le temps de s'asseoir et commencer à essayer de discuter avec nous. Marie était encore sous le stress, je le sentais, on était en train de contrôler. Mais la personne n'avait plus sa mitraillette, était assis, je m'étais assis moi aussi, commençais à essayer d'échanger. Pendant ce temps-là, l'autre qui semblait être le chef des deux parlait au téléphone. Je comprenais absolument rien de ce qu'il se disait, mais j'entendais une fois de temps en temps « Canada », ça, qui semblait dire des chiffres, ainsi de suite. Tout ça pour dire, événement assez spécial et marquant. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus nous contrôler. Mais j'ai vu que celle qui appartenait à l'établissement avait de l'air un peu en conflit, elle était pas contente du tout dans la situation. C'est peut-être elle, c'est peut-être les personnes chez qui on avait été acheter des choses avant. Cette épicerie-là était le premier hôtel qu'on n'avait pas pris, qu'il fallait seulement payer par téléphone. On avait retourné avec payer pour de l'argent à l'épicerie. C'est peut-être eux autres qui avaient décidé de nous faire contrôler, parce que dans cet endroit-là, il y avait beaucoup plus de milices dans la ville. Mais pas adorer l'ambiance, ça a facilité notre choix de sortir rapidement et de quitter pour aller vers la Géorgie, cette ambiance sévère-là. On a comme quitté vers la Géorgie, on n'a pas été viré à Sotchi. On avait comme plan d'aller passer par Sotchi, rentrer par la Géorgie, près de la mer Noire. Mais l'événement avec la milice nous a dit « Non, on va sortir de la Russie, t'as comme tanné ». Et on a appris, par contre, qu'on a pris une bonne décision parce que Sotchi est juste en haut de l'Abkhazie. Et l'Abkhazie, personne ne traverse l'Abkhazie. L'Abkhazie, c'est un territoire géorgien, mais qui se dit souverain, puis qui ce territoire-là est protégé par les Russes. Donc, il n'y a personne qui passe. Nous, on a contourné l'Ossétie, qui elle aussi est en conflit. Ça brasse, mais un peu moins. Ce qui nous a permis de rentrer en Géorgie. Qui va être la suite sûrement bientôt d'un podcast. Ouais, ça a mis fin à mon aventure en Russie. Donc, beaucoup de beaux moments, malgré tout. Je sais que je vais y retourner. Je sais pas si je vais retourner à l'ouest de l'Oural. Je suis certain que je vais aller à l'est, par exemple. Mais ce voyage, je l'ai pas encore fait. Ça va sûrement venir. Mais d'ici là, ben, continue à travailler sur mes bébelles, travailler à continuer mes motos. Je vais vous dire... Ride far, tout le monde. Bye.